contre l'agora et ses clics, mon déambulateur affectif, mon itinéraire effectif, mon garde-corps et spirituel, sirène hardcore, mon infidèle, mes belles secousses systémiques, quand tu épouses ma mécanique défectueuse, mon amoureuse, la mécanique, parfois douteuse, mais tu t'en fous. Mais tu t'en fous. Ma belle sirène, j'aurais pas dû jeter sur toi mon dévolu. Puis le virage en dérapage naquit l'alliance de nos alliages, le beau mélange douteux de nos vies. Nous nous étions pourtant promis juste une nuit de belle ivresse, contre l'ennui, contre tes fesses, contre l'ennui, douce caresse, mais nos corps se réclament encore. Mon dinosaure, ma mécanique, régulateur, cyclotimique, dire je t'aime, je ne suis plus. Les mots bleus sont superflus, n'ont de valeur et prennent sens que s'ils sont éruptés dans l'urgence. Les mots purs, les mots charmants, ceux qui étourdissent les amants, ne sont hélas plus le sort réservé aux bébés dinosaures. Mais tu t'en fous. Les points d'impact et de rupture s'oublient dans ta petite ouverture. J'aimerais que ma présence te rassure, même si je sais que je ne suis pas d'une sinécure. Alors continuons l'aventure. Allez, bouge ton corps. Bouge ton cul. Les fesses de l'infirmière mutine aux vertus anti-staminiques, contre l'agora et ses clics, mon déambulateur affectif, mon itinéraire effectif, mon garde-corps et spirituel, sirène hardcore, mon infidèle, mes belles secousses systémiques, quand tu épouses ma mécanique défectueuse, mon amoureuse, la mécanique parfois douteuse, mais tu t'en fous. Mon dinosaure, ma mécanique, régulateur, cyclophimique, dis je t'aime, je ne sais plus, pour moi les mots bleus.